fallu revenir. Combat batteur virtuel. Allez. We'll be right back. Le batteur est pas pris. Oh batteur! Oh le batteur, ready? Ready? Ready! je vous follow. Je vous follow. Envoyez un riff, moi je vois un peu. Par contre, c'est du 32, ouais. Ou alors je change. Je mets en 16. Hein. Alors. 1, 2, 3, 4. Bon, il arrive ce putain de riff. Qui c'est qui va le pondre ? Lâche, lâche tout ce que j'ai en toi.